Thank you. enerjiye onu bozmayın. Godverdomme, joh. Je stopt met mijn drum. En die gozer stopt gewoon met drummen, joh. Nee, joh. Jezus. Snap jij dat nou? Hey, Kees, snap jij dat nou? Nee, dat bedoel ik hoor. Ik vond het heel gelukkig van de hoek. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? So cool for listening. Salut, monsieur. Bonjour. Bonjour. Goedemorgen! Good morning. Ja. Guten Tag. Good morning. Schieten erbij, dan ga een beetje solo hoor. Ik weet niet meer wat ik zeg. Ja, god, die mensen. Merci monsieur, le port de problème. Le trottoir, le port plus de garnier. Tu m'appelles le idiot. Tu m'appelles le idiot. Ah oui, oui, oui, monsieur. Oh, nos casques tout, nos casques, oh bien, oui, oui. Le jus d'orange, le garnier, le port bleu, le bar le duc, le bar le duc. Thank you. Thank you.